Love. là, oui. Yo, d'où mon fil là? Où t'as un petit bagage ça, grand coin là? Ça t'a aimé passer ça? Mon chien m'a connaît, il y a un bel petit basquille. Bon, man. Alors, sans question de jante. Voilà. Il y a un père jante là, c'est pas grave. Bel basquille. Attends, bon, le bagage encore au côté du bout. Où travaille l'autre côté? Yo, travaille dans Coco Rico. Non, parce que je suis en règle.